إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est toujours dans le chapitre 33 et on est dans l'explication de ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est rapporté au sujet que certaines personnes dans cette Ummah vont adorer les idoles. Le Cheikh il dit, on est arrivé à la partie du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit وَإِذَا وُضِعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفِ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Donc le Cheikh il explique cette partie-là, qu'une fois que l'épée est levée, il ne sera jamais abaissé jusqu'au jugement dernier. كذلك خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بدأ القتال بين المسلمين فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة وهذه بلية أخرى. البلية الأولى تسلط الكفار على المسلمين والبلية الثانية إذا وقع القتال بين المسلمين فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة عقوبة لهم وذلك حصل كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما قتل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان بن عفان فإنه لا يزال القتال مستمرا بين المسلمين وسيستمر إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le Cheikh il dit que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم il a craint pour sa umma que lorsque il y a des combats qui commencent entre les musulmans, que ça continuerait et que ça n'allait jamais cesser jusqu'au jugement dernier. Et donc ça c'est un autre grand malheur. Le premier malheur c'est que les koufars prennent le contrôle et le pouvoir sur les musulmans, et le deuxième grand malheur c'est qu'il y a des combats qui commencent entre les musulmans, et que si ça commence les combats entre les musulmans, et bien ça ne va pas cesser jusqu'au jugement dernier, comme punition pour eux, c'est-à-dire comme punition pour les musulmans du fait d'avoir désobéi l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh il dit, et ça c'est arrivé, c'est-à-dire le combat entre les musulmans et les guerres entre les musulmans c'est commencé, et c'est arrivé depuis l'époque de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, parce que il a été tué. Et depuis cette époque, les combats ont continué entre les musulmans, et ça va continuer jusqu'au jugement dernier. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. Après il dit, wa qawluhu wa la taqoumu sa'a hatta yalhaqu hayyun min ummati bil mushrikin. Al-hayy, yani al-murad bihi al-qabila, wa ma'na yalhaqu yattabi'u. إما أن يذهبوا إلى بلادهم ويسكنوا معهم ويكونوا من دولتهم، وإما بأن يبقوا في بلاد المسلمين ولكن يكونون على منهج الكفار ويرتدون عن الإسلام. ووقع هذا كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ففيهم من ذهب إلى بلاد الكفار ولم يرجع وصار يوافق الكفار في أمورهم الدينية ويجري عليهم حكمهم وهو مختار للإقامة بينهم، وفيهم من بقي في بلاد المسلمين ويعتنق مذاهب الكفر من الشيوعية والبعثية وقومية وغير ذلك، وهؤلاء لحقوا بالمشركين في قلوبهم وعقائدهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم وإن لم يلحقوا بهم في أبدانهم. الشيخ dit ensuite que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'il y aurait, que l'heure du jugement ne serait pas venue jusqu'à ce qu'il y ait une partie de sa Ummah qui rejoignent les mouchriquines, qui rejoignent les mouchriquines. Et il explique que le terme qui est utilisé c'est al-hay, et ça veut dire al-qabila, c'est-à-dire la tribu ou yani, une portion yani, ou un groupe. Et yattabi' yani yalhaq yani yattabi', c'est-à-dire que quand ils vont rejoindre les mouchriquines, ça veut dire qu'ils vont suivre les mouchriquines. Et soit que c'est par le fait qu'ils vont quitter les pays musulmans pour aller vivre, walaykoum salam wa rahmatullah, quitter les pays musulmans pour aller vivre chez les koufars et avec eux dans leur pays, hein, ou bien soit qu'ils vont rester dans les pays musulmans, mais qu'ils vont, disons, se convertir ou croire aux idées des koufars ou aux méthodes, aux idéologies des koufars, puis ils vont donc apostasier l'islam. Et il dit le chef que ça c'est arrivé. Ça c'est arrivé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Parce que tu trouves parmi les musulmans aujourd'hui des gens qui sont allés vivre chez les koufars et ils ne sont pas revenus dans leur pays par la suite et ils ont commencé à, disons, être d'accord avec les koufars dans leur chose, dans leur religion, dans les affaires religieuses et yani, ils sont soumis aux lois, à leurs lois et à leur jugement dans les affaires de la vie. Et ils ont choisi de s'établir parmi eux. C'est-à-dire, ils ont choisi de s'établir parmi les koufars. D'accord? Donc, yani, ce sujet-là, la question de l'Iqama bain al-Kuffar, de s'établir parmi les koufars, les ulama, depuis des époques très anciennes, depuis le temps yani, même depuis, on trouve même des hadiths qui parlent de ça, parce qu'il y a eu une hijra à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté les mouchriquines pour aller à Médine, puis après il y a eu la hijra de Mecca jusqu'à Al-Habasha avant ça, après ça il y a eu de Mecca jusqu'à Al-Madina, puis après il y a eu Fath Mecca, donc après il y a eu d'autres situations, mais à chaque fois on voyait que les gens qui acceptaient l'islam dans différentes régions, où il n'y avait pas d'islam, et ils quittaient ce pays-là pour aller vivre chez les musulmans. C'était toujours comme ça. Lorsque les musulmans d'autres pays devenaient, des gens devenaient musulmans, ils allaient vivre avec les musulmans. Ils quittaient leur pays, s'ils étaient capables. S'ils n'étaient pas capables de quitter, ils restaient là où ils étaient, ils pratiquaient la religion le plus qu'ils étaient capables. Puis, si à un moment donné ils étaient capables de quitter, ils allaient vivre chez les musulmans. Ou bien sinon, c'est les musulmans qui allaient avec les armées et disons, ils prenaient certaines régions et ils établissaient la religion d'Allah dans ces différents pays-là. Et donc, les gens n'avaient pas besoin de faire l'hijra à ce moment-là puisque leur pays devenait un pays musulman du moment que les musulmans avaient établi l'islam dans leur pays. Et c'est ça ce qui est arrivé en Égypte et dans les pays de l'Afrique du Nord et dans l'Asie, le Moyen-Orient, tous ces endroits-là, c'était pas des pays musulmans, puis les musulmans sont entrés là-bas avec les armées, et ils ont établi l'islam et la charia, et donc les gens n'avaient pas besoin nécessairement de faire l'hijra pour aller ailleurs, parce que là où les musulmans se sont établis et qu'ils ont établi la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et la religion d'Allah, et qu'ils ont établi le tawhid, et donc dans ce cas-là, ils peuvent s'établir et rester là, parce que c'est considéré comme un pays musulman. Mais la situation actuelle, c'est différent qu'est-ce qu'on voit que les musulmans qui quittent les pays musulmans pour venir s'installer en Europe ou en Amérique, ou bien dans d'autres pays comme en Australie, des trucs comme ça, là où il y a soi-disant un développement économique plus grand, et en grande partie c'est toujours pour les intérêts économiques, pour la dunya. Et bien entendu, il y en a qui essaient de justifier ça par toutes sortes de choses, mais quand on retourne au texte et aux explications du Coran et de la Sunna et aux paroles des ulama, on voit que ces excuses ou ces prétextes ben ça tient pas, il y en a en réalité dans le contexte de la révélation. Et dans le contexte aussi de l'ijma des ulama et de l'explication des savants de l'islam depuis des siècles et des siècles. Donc, yani, comme le cheikh il dit, ceux qui ont choisi de venir ici, puis qui sont satisfaits de ça, puis qui sont d'accord avec les lois et le système, et qui aiment ça, et que leur cœur est avec ce système-là, ben c'est comme s'ils font partie des, yani, des kuffars, mais ceux qui sont ici, puis leur cœur est avec l'islam et avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala, ils croient au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils croient en sa religion, et ils croient que c'est qu'est-ce qui est au-dessus de tout. Hein, ils ne placent rien comme loi ou système ou idée au-dessus de la loi d'Allah, et ils savent que les lois fabriquées par les hommes, peu importe de quel pays elles sont, peu importe que ce soit des lois ou des traditions ou des constitutions ou quoi que ce soit, si c'est en contradiction avec la loi d'Allah, ils savent que ça n'a aucune importance pour eux et aucune valeur pour eux. Parce que qu'est-ce qui est au-dessus de tout? C'est ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui sont dans cette situation-là et qui sont, disons, dans une situation où ils ne sont pas capables de quitter le pays où ils sont, qui n'est pas un pays musulman, pour aller dans un pays musulman, dans ce cas-là, bien entendu, ils sont excusés, s'ils ne peuvent pas faire le hijra. Tant qu'ils sont capables de pratiquer leur religion dans les limites de ce qui est obligatoire, mais sinon, ils doivent, bien entendu, faire en sorte de quitter pour aller dans un endroit où ils vont avoir la liberté de pratiquer leur religion. Donc ça c'est en ce qui concerne ce principe-là. Puis le chef il dit, puis il y a parmi les gens qui sont parfois, ils n'ont pas quitté leur pays pour aller vivre dans des pays non musulmans, mais dans leur pays qui sont des pays musulmans, ils ont adopté les idéologies et les croyances ou les principes des koufars, comme par exemple le communisme. Le nationalisme ou d'autres idéologies socialistes et des trucs de ce genre. Et ça, dans ce cas-là, c'est comme s'ils ont rejoint les koufars et les mouchriquins sans même avoir quitté leur pays. Et ça nous explique un point en fait qui est très important en qui concerne al-wala, al-wala ou al-bara. C'est que al-wala à la base, c'est dans le cœur. Al-wala ou al-bara à la base, c'est dans le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'es en plein milieu d'une terre où c'est des koufars qui sont établis et que leurs lois sont établies, mais que ton cœur est avec les musulmans et avec l'islam, hein, et que tu aimes Allah et tu aimes son messager et que tu aimes les mu'minines, et bien dans ce cas-là tu es parmi les awliya d'Allah et tu as fait al-wala lillah wa li rasouli. Hein. Mais si tu es parmi les mu'minines en plein milieu de Mecca, hein, devant la Kaaba, et que ton cœur est avec les ennemis d'Allah, et que tu aimes les ennemis d'Allah, et que tu aimes les koufars et les mouchriquines, et le kufr et le shirk, hein, et les idées qui sont contraires au fondement du tawhid, et que tu souhaites que ce soit ces systèmes-là qui dirigent chez les musulmans, alors dans ce cas-là, même si tu es en plein milieu de Mecca, entouré des mu'minines, ben tu es un allié des koufars et du shaitan. Donc, c'est sûr que l'emplacement où tu es, c'est important, mais à la base c'est dans le cœur, al-wala ou al-bara. Hein. Donc de se désavouer du kufr et du shirk et du mushrikin, c'est obligatoire, peu importe où tu es. Mais c'est pas suffisant, bien entendu le cœur c'est la base, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi faire al-bara, se désavouer du shirk et du kufr et du mushrikin, non seulement dans le cœur, mais aussi dans nos paroles, hein, verbalement, puis aussi physiquement si c'est possible, en quittant les mouchriquins pour aller vivre chez les musulmans. Et donc dans le cas, comme le cheikh explique, dans le cas où ceux qui sont restés dans les pays musulmans, hein, regardez, ils ont adopté ces croyances-là sans même être allés vivre chez les mouchriquins, et puis ils essaient de les implanter par la suite dans les pays musulmans, puis dans certaines régions même ils ont réussi à les établir, comme on avait vu en Irak, le parti basse, et en Syrie et dans d'autres régions du monde musulman où il y a des systèmes de communisme ou socialisme qui ont été établis. Et donc ça c'est des exemples de qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé et qui se sont produits comme il l'avait annoncé. Après il dit « wa qawluhu wa hatta » تعبد فئام من أمتي الأوثان. فئام الجماعات والأوثان كل ما عبد من دون الله وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فعبدت جماعات من هذه الأمة القبور والأضرحة واعتبروا هذا هو الدين الصحيح وسموا دين التوحيد الصحيح دين الخوارج. Le cheikh, il explique, il dit par la suite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et l'heure du jugement ne va pas venir jusqu'à ce qu'il y ait un groupe de Mahoma qui va adorer les idoles. » Et « Al-Fi'am », le terme utilisé dans le hadith en arabe, c'est « Al-Fi'am » et ça veut dire des groupes ou des parties de Mahoma qui vont adorer Al-Awthan. Et Al-Awthan, on a souvent expliqué que c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit que ça s'est déjà produit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé, que des groupes de la Umma adorent aujourd'hui les tombes, et ils considèrent que c'est ça la vraie religion de l'islam pour eux. Pour eux, le vrai islam c'est d'adorer les tombes, et les hommes qui sont enterrés dans les tombes, et les morts, et de les prendre comme des intermédiaires entre eux et Allah. Ça pour eux, c'est l'islam. Ça pour eux, c'est le tawhid. Tandis que d'établir le tawhid pour eux, ça c'est la religion des Khawarij. Et donc, ils ne font pas la distinction entre le tawhid et le fait de dire que celui qui fait le shirk est un mushrik, ou bien le fait de dire que celui qui adore autre que Allah, qui adore les tombes est un mushrik, et le fait de déclarer quelqu'un kafir parce qu'il a fait un péché. Hein. Parce que les Khawarij, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient que celui qui fait un péché, il est kafir. Hein. Tandis que les gens qui appellent au tawhid, ils disent quoi? Ils disent non, celui qui fait un péché, il n'est pas kafir. Il est toujours musulman. Sa foi est faible, mais on ne déclare pas kafir. Toutefois, celui qui fait le shirk, ou qui, disons, fait quelque chose qui annule le tawhid, comme un acte ou une parole de kufr, hein, ou une croyance de kufr qu'il défend, eh bien celui-là, une fois qu'on a établi la preuve contre lui, eh bien, on le déclare kafir, pas parce qu'il a fait un péché, parce qu'il a fait quelque chose qui est contraire au fondement du tawhid, contraire au témoignage de la ilaha illallah. D'accord? Donc qu'est-ce qui fait sortir de l'islam une personne? C'est qu'est-ce qui détruit le témoignage de la ilaha illallah. Mais si quelque chose ne détruit pas ou ne vient pas en contradiction avec le témoignage de la ilaha illallah, ça ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam. Disons que ça fait diminuer sa foi, mais ça ne le fait pas sortir complètement de la foi. Et eux, les gens qui adorent les tombes, ils ne font pas la différence entre ces deux choses-là. Ils ne font pas la différence entre la voix des gens du tawhid, qui est de déclarer celui qui s'oppose à la ilaha illallah comme étant un mushrik ou un kafir, et la voix des khawarij qui disent que celui qui fait un péché, il est kafir. Donc pour eux, il n'y a pas de distinction entre les deux, et c'est pour ça qu'ils considèrent que tous ceux qui appellent au tawhid et à rejeter l'adoration des tombes et des idoles, qu'ils considèrent que ça c'est des khawarij qui disent ça, et que ça c'est la voix des khawarij. Et c'est pour ça qu'ils disent que tous ceux qui sont contre l'adoration des tombes, ils disent que ce sont des wahhabiyas et ils sont des khawarij. Parce qu'on dit que celui qui fait le shirk, qui adore autre avec Allah, ou qui invoque d'autres avec Allah, ou qui prend des intermédiaires dans l'adoration entre nous et Allah, donc on dit que ça c'est des kuffar et des mushrikines. Pour eux, ils disent non, ça c'est pas shirk de faire ça, c'est juste mahabbat al-salihin et d'aimer les salihin. Nous on dit non, ça c'est pas quelque chose qui rentre dans mahabbat al-salihin de faire le shirk. Le shirk ça fait pas partie de ça. Et donc eux ils disent, à propos des gens qui appellent au tawhid, ils disent vous déclarez la umma comme étant des mushrikines. Vous déclarez les musulmans comme étant des mushrikines. Parce que vous dites que ceux qui adorent les tombes sont des mushrikines, et ils disent la grande majorité des musulmans adorent les tombes. Donc vous déclarez la umma comme étant des mushrikines. Et nous on répond, on dit non. Les musulmans, ce sont ceux qui sont sur le tawhid et qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et qui ne font rien de ce qui s'oppose à ce témoignage-là. D'accord? Donc, alhamdulillah, si les gens connaissent le tawhid et qu'ils connaissent la signification de la ilaha illallah et qu'on a établi la preuve contre eux et que par la suite ils persistent à adorer d'autres en dehors d'Allah, ou prendre des intermédiaires entre eux et Allah, dans ce cas-là, ils ne font pas partie de la Ummah, ils ne font pas partie non plus des musulmans. Et donc ça c'est la différence entre yani, la voix des gens qui appellent au tawhid et la voix des gens du shirk. Donc il y a donc dans ce hadith la preuve qu'il y a une portion des musulmans, ou bien des gens qui se prétendent comme étant des musulmans, et bien il y en a parmi eux des gens qui vont adorer les idoles. Ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Hein? Donc ça nous explique qu'il ne faut pas s'étonner du fait que des groupes de musulmans vont s'égarer. De la même façon que chez les juifs et les chrétiens, il y a des choses semblables qui se sont produites. Chez les juifs, il y en a qui ont commencé à adorer les idoles, qui ont commencé à adorer, même à l'époque de Moussa alayhi salam, et quand il est allé pour recevoir les lois, hein, et la Torah, ben, quand il est monté dans la montagne, quand il est revenu, il a trouvé son peuple en train d'adorer un veau d'or. Hein. Donc c'était juste un exemple. Mais par la suite, il y en a d'autres parties parce qu'ils ont fait Tawbah par la suite. Mais plus tard, après, il y a des groupes parmi eux qui se sont déviés encore et qui sont retournés à l'adoration des idoles. Il y en a qui sont tombés dans l'adoration des tombes et des saints. Il y en a d'autres qui ont commencé à faire de la magie et de la sorcellerie et à croire aux djibs et aux tarots et à faire toutes sortes de choses contraires à la religion, à prendre leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs ou des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui rendent halal ce qui est haram et qui rendent haram ce qui est halal, ou des choses de ce genre. Donc il y a eu beaucoup de contradictions de leur part par la suite. Et comme c'est arrivé la même chose chez les chrétiens qui ont dit que Isa c'est le fils de Dieu, ou bien que c'était un parmi les trois qui formaient la divinité, hein, ou bien d'autres formes de shirk et de kufr qui se sont produits parmi les chrétiens également. Et donc parmi la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même chose. Il y en a qui ont cru au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tel quel, qui n'ont pas fait bid'a, qui n'ont pas fait shirk, qui n'ont pas fait de kufr, qui sont restés sur le droit chemin, et il y en a une autre portion de la umma qui se sont déviés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Et le devoir de tout musulman, parce que le devoir de tout kafir, c'est d'accepter l'islam, et le devoir de tout musulman, ou de toute personne, une fois qu'il a accepté l'islam, c'est de chercher quelle est la vraie version, ou la vraie, façon de suivre l'islam, parmi les différentes sectes ou les différents groupes qui se prétendent musulmans. Parce qu'il y en a plein de groupes aujourd'hui, plein de sectes, des gens qui disent « on est musulmans ». Et ils font tous des choses différentes, ils croient en des choses différentes, ils ont des divergences dans leur fondement, et ils disent tous qu'ils sont musulmans. Donc dans ce cas-là, lequel d'entre ces groupes-là dit la vérité? Lequel d'entre ces différentes fractions, de ces différentes parties, de ces différentes sectes, dit qu'ils sont musulmans? Lequel d'entre eux est vraiment sur le droit chemin? Et lequel d'entre eux est vraiment sur la sunna? C'est ça ce que chaque musulman doit chercher. Même s'il est né dans une famille musulmane, que son père et sa mère et que ses grands-parents, ses arrière-grands-parents sont tous musulmans, ça ne veut pas dire qu'il est automatiquement sur le droit chemin. Il faut qu'il soit certain que la voie qu'il suit, c'est celle qui est en accord avec Al-Kitab al-Sunnah et à la façon ou à la compréhension des premiers musulmans, hein, des Sahaba et des Tabi'in et de ceux qui les ont suivis. أبقى الشيخ يقول وهذا مع ما قبله هو الشاهد من هذا الباب أو من هو الشاهد من هذا الحديث للباب. Donc tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est en réalité le point pour lequel ou la raison pour lequel le cheikh avait mentionné ce hadith-là dans ce chapitre, c'est pour montrer qu'un groupe de la Ummah va adorer les idoles, et ça explique pourquoi il a mentionné ce hadith ici. أبخي الشيخ الزي وفيه رد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك، ووجه الرد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق أنه لا بد أن تعبد جماعات وليس أفرادا من هذه الأمة الأوثان، وقوله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وهذا فيه إخبار منه صلى الله عليه وسلم بظهور المتنبئين الكذبة الذين يدعون أو يدعون النبوة، وقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وأول من ظهر في حياته اثنان، وأول من ظهر في حياته اثنان. Donc il dit donc que dans le hadith qu'on vient de lire, il y a la réfutation contre ceux qui prétendent qu'il n'y aura jamais de shirk dans cette umma. Donc on voit clairement que ça c'est démenti par le hadith qu'on a mentionné. Ensuite, le point de la réfutation à ce sujet-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que certains groupes de la umma, pas des individus, certains groupes de la umma vont adorer les idoles. Donc ça c'est clair. Et après, il continue à expliquer le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il y aura 30 menteurs dans ma umma. Ils prétendront tous être un prophète, et je suis le dernier, le sceau des prophètes, et il n'y a pas de prophète après moi. Donc ça c'est un autre point important. Le cheikh il dit par la suite que il y a donc là, dans ce hadith là, qu'il y a donc disons la prédiction de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la prophétie qu'il y aura des menteurs qui vont prétendre être des prophètes et qui vont prétendre la prophétie après après lui. Et ça c'est arrivé comme il l'avait dit, même à son époque, durant la vie même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a eu deux. Musaylamah al-Kazzab fil Yamama wal Aswad al-Anasi fil Yaman. Donc il y en a eu ces deux-là. Le premier c'est Musaylamah et le deuxième c'est Al-Aswad al-Anasi au Yaman. أما الأسود العنسي فقد قتله المسلمون قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، أما مسيلمة الكذاب فإنه قد تبعه قوم من أهل اليمامة، ولما بويع أبو بكر الصديق بالخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، جهز له الصديق جيشا من المسلمين من المهاجرين والأنصار بقيادة خالد بن الوليد، وحصل قتال شديد جدا وقتل فيه من المسلمين ومن أفاضلهم ومن قراء القرآن العدد الكثير، ولكن في النهاية قتل الله مسيلمة الكذاب على يد المسلمين في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأراح الله المسلمين من شره. ثم ظهر طليحة الأسد وادعى النبوة، وظهر سجاح التميمية وادعت النبوة، ولكن الله من على طليحة فتاب إلى الله عز وجل وجاهد في سبيل الله وتوفي على الإسلام، وكذلك سجاح تابت إلى الله عز وجل. ثم ظهر المختار ابن أبي عبيد الثقفي أو ابن أبي عبيد الثقفي في خلافة عبد الملك ابن مروان وادعى النبوة وقتله الله على أيدي المسلمين، ولا يزال المتنبئين الكذبة يظهرون بين الحين والآخر، إلى أن ظهر منذ سنين رجل من الباكستان يسمى غلام أحمد القدياني ادعى النبوة وتبعه قوم وصار له أتباع يسمون القديانية، وقد كفرهم المسلمون ونبذوهم ولله الحمد. Le cheikh il explique par la suite que Musaylama al-Kazzab, il y a un groupe parmi les al-Kazzab, ça veut dire le menteur, le grand menteur. Donc Musaylama al-Kazzab, il y a un groupe parmi les gens de Yamama, une région qui s'appelle Yamama, qui l'a suivi. Et après que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu fut désigné comme étant le khalifa après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préparé une armée pour combattre Musaylama. Donc il a préparé une armée de musulmans qui était composée des Muhajirin et des Ansar, et qui était dirigée par Khalid ibn al-Walid, hein, et ils se sont dirigés pour combattre Musaylama et ceux qui l'ont suivi. Et il y a eu de grands combats entre les deux groupes. Et parmi les musulmans, il y en a beaucoup parmi les grands sahabas qui ont été tués dans cette bataille, et prophète. Et parmi ceux qui mémorisaient le Coran, il y en a beaucoup qui ont été tués également. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que c'est Musaylamah al-Kazzab qui a été tué par la main des musulmans durant le khilafa d'Abu Bakr al-Siddiq. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a finalement épargné les musulmans du mal de cet homme. Par la suite, il y a eu Tulayhat al-Asadi qui a prétendu aussi être un prophète, et par la suite Sajah, une femme qui a prétendu aussi être prophète, wa alaykum salam, et Sajah al-Tamimiyya. Toutefois, Tulayha a fait tawbah et s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala, et il a fait le jihad fi sabilillah et il est mort sur l'islam, de même que Sajah aussi. Elle s'est repentie, puis elle est devenue musulmane par la suite, puis elle est morte musulmane. Ensuite, il y a eu Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi. Durant le khilaf d'Abdul Malik ibn Marwan, il a prétendu être prophète, et il a été lui aussi tué par la suite par les musulmans. Et il y a toujours, d'un moment à l'autre, dans quelque part dans le monde, depuis cette époque, toujours il y a quelqu'un qui apparaît et qui prétend être prophète. Comme c'est arrivé dans le siècle passé, si je ne me trompe pas, au Pakistan, il y avait un homme qui s'appelait Ghulam Ahmad Al-Qadiani, et il a prétendu être un prophète, et il y a un groupe de personnes qui l'a suivi, et on les appelle Al-Qadianiya, parfois aussi on les appelle Ahmadiyya. Et ce groupe-là, ils sont un petit peu partout maintenant dans le monde, mais dans le monde, ils ont même des mosquées ici au Canada. Ils ont même des mosquées. Ils ont une des plus grandes mosquées au Canada. Et ils sont aussi dans différents pays dans le monde. Donc, ce sont des gens qui prétendent que Ghulam Ahmad est un prophète. Et là, les musulmans les ont déclaré cette secte comme étant des koufars. Et ils les ont rejetés comme en disant que ce ne sont pas des musulmans. Il y a aussi les Black Muslims aux États-Unis qui suivent Louis Farrakhan, et ils suivent un homme qui s'appelle Elijah Muhammad, qui prétendait être un prophète pour les Noirs en Amérique du Nord. Et ceux-là sont des koufars également. Et la règle ou le principe, c'est que toute personne qui prétend être un prophète après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est un kafir, et tous ceux qui croient en lui sont des koufars, d'accord? Parce que c'est contraire au témoignage de Muhammad Rasulullah. Parce que quand tu dis Muhammad Rasulullah, ça implique qu'il n'y a pas d'autre messager après lui. Après le shaykh, il dit « Wa qawluhu wa ana khatim al-nabiyyin » يعني لا نبي بعدي هذا كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الخاتم بفتح التاء الذي يختم أو يختم نعم الذي يختم على الشيء فلا يزال فيه يقال ختم الكتاب يعني وضع الختم عليه بحيث لا يزاد فيه وختم الكيس بمعنى أنه أغلقه بحيث لا يزاد فيه ولا ينقص فالرسول صلى الله عليه وسلم ختم الأنبياء بمعنى أنه آخرهم ولا يأتي بعده نبي أما لفظ خاتم بالكسر فهو اسم فاعل فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين الذي كملهم وانتهى به عددهم فلا يبعث نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم تقوم الساعة كما أن شريعته لا تنسخ إلى أن تقوم الساعة وأرسله الله إلى العالمين كافة ليكون للعالمين نذيرا أرسله إلى العالم كافة إلى العرب صلى الله عليه وسلم وإلى العجم والجن والإنس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل عليه شريعة كاملة شاملة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة فالذي يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأنه مكذب لله ولأن الله قال وخاتم النبيين ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أنا خاتم النبيين ومكذب لإجماع المسلمين لأن المسلمين أجمعوا على أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit et je suis le sceau des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate Al-Ahzab, et Muhammad n'est pas le père d'aucun d'entre vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes, celui qui vient terminer la ligne des, ou la série des messagers. Et quand on dit yani, al-khatam en arabe, ça veut dire qu'est-ce qui vient sceller quelque chose. Qu'est-ce qui vient sceller quelque chose, comme lorsqu'on met un sceau sur un livre, wa alaykum salam rahmatullah, ou lorsqu'on a scellé un sac, quelque chose en particulier, de telle façon qu'on peut pas rajouter ni enlever rien par la suite, ça veut dire on l'a scellé complètement. Et donc, lorsqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on dit qu'il est khatam al-nabiyyin, ça veut dire qu'après lui, il n'y en aura pas d'autres. Et donc quand on dit khatim c'est ismu fa'il, et yani comme quand on parle d'une étampe ou d'une bague qu'on utilise pour mettre sur les, quand on fait des lettres, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une bague avec marqué Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dessus, et il utilisait ça pour sceller les lettres quand il envoyait une lettre à un roi ou à quelqu'un, donc ça c'est un khatim, hein. Et donc c'est ça la différence entre Khatim et Khatam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier. C'est lui qui est venu compléter le nombre des messagers. Et donc, après lui, il n'y en aura plus d'autres jusqu'au jugement dernier. Comme également, sa sharia ne sera jamais abrogée par une autre sharia après lui. Contrairement aux lois, aux révélations qui ont été faites avant, comme la révélation qui a été donnée à Isa alayhi salam ou à Moussa et à d'autres prophètes, elles ont été abrogées par le Coran. Il n'y a pas une révélation qui va venir après qui va abroger celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos du prophète, لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, il dit à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il est un avertisseur pour les mondes, ça veut dire il n'est pas venu pour un peuple en particulier parmi d'autres, il est venu pour tout le monde, les arabes et les non-arabes, et les djinns et les êtres humains. Et il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, nous t'avons envoyé que pour tous les hommes, on t'a envoyé pour tous les hommes comme annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur contre un dur châtiment. Et il a envoyé sur le messager sallallahu alayhi wa sallam une révélation et une loi qui est parfaite et complète, qui est valable jusqu'au jugement dernier, pour tous les endroits et pour toutes les époques. Donc c'est pas correct de dire, comme certains laïcs aujourd'hui prétendent, qu'ils s'imaginent que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une loi qui est faite par un être humain, et donc elle est limitée à une époque et à un lieu, et donc après une certaine époque, comme à l'époque actuelle, il faut la changer et amener des lois nouvelles, et donc ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne savent pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-alim al-hakim, qu'il sait tout et qu'il a la sagesse infinie. Et donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a envoyé la révélation au messager sallallahu alayhi wa sallam, il l'a envoyé de telle sorte à ce qu'elle soit applicable jusqu'au jugement dernier, avec des lois qui soient applicables et adaptables, hein. Et donc, alhamdulillah, à ce point-là, ça réfute l'argument ou l'idée des koufars parmi les laïcs. Après, le cheikh dit, وَالَّذِي يَدَّعِ النُّبُوَّةَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَافِرٌ. Celui qui prétend être prophète après Muhammad صلى الله عليه وسلم, alors il est kafir. Et tous ceux qui croient en lui, il est kafir. Ils sont koufars aussi. Parce qu'il renie ce que Allah dit dans le Coran à propos du prophète en disant qu'il est khatam al-nabiyyin, et aussi, il renie la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ana khatim al-nabiyyin » c'est-à-dire je suis le dernier des messagers ou le sceau des messagers, et il renie l'ijma, le consensus des musulmans qui se sont tous, disons, mis d'accord sur le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier et qu'il n'y a pas d'autre prophète après lui, sallallahu alayhi wa sallam. Après le cheikh il dit فَإِنْ قَالَ قَائِلْ أَلَيْسَ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمْ يَنْزِلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ كَمَا تَوَاتَرَ ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ قُلْنَا نَعَمْ يَنْزِلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَلَكِنْ لَا يَنْزِلُ بِشَرِيعَةٍ جَدِيدَةٍ وَإِنَّمَا يَنْزِلُ لِيَعْمَلْ بِشَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فهو يعتبر مجددا من المجددين ومصلحا من المصلحين ويحكم بشريعة الإسلام ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فينزل عيسى عليه السلام لا يختلف مع قوله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين وقول الله تعالى وقول الله تعالى وخاتم النبيين لأنه لا ينزل بشريعة ولا ينزل على أنه نبي يبعث إلى الناس وإنما ينزل على أنه حاكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit que certaines personnes pourraient dire que dit-on dans ce cas-là à propos de Isa ibn Maryam alayhi salam, du fait qu'il va descendre à la fin des temps, comme cela a été mentionné et rapporté dans de nombreux hadiths. Dans le sens que comment on peut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, alors qu'après, à la fin des temps, le prophète Isa va descendre. Donc est-ce que ça peut quand même être considéré comme étant le dernier prophète, puisqu'il y en a un qui va revenir avant la fin des temps? Et le cheikh il répond, il dit que Isa il va descendre à la fin des temps, mais il ne va pas descendre avec une nouvelle loi ou une nouvelle révélation. Il va uniquement descendre et, il va appliquer la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la loi qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va suivre les règles de l'islam, il ne va pas ramener une nouvelle révélation ou des nouveaux principes à la révélation. Il va uniquement, ramener l'islam tel qu'il est, tel qu'il était amené par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qu'il va faire, il va réformer la situation et la religion, et il va juger selon l'islam et il va suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de contradiction entre la descente de Isa à la fin des temps et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit qu'il est le dernier ou le sceau des prophètes. Donc ça c'est en ce qui concerne ce point là après il dit ثُمَّ قَالَ مُبَشِّرًا لِأُمَّتِهِ بَعْدَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الْمُرَوِّعَةِ نعم بعد هذه الأخبار المروعة ولا تزال طائفة من أمتي على الحق يعني مع هذه الحوادث العظيمة وهذا الابتلاء العظيم ووقوع الشرك ووقوع اللحاق بالمشركين من بعض القبائل وتسلط الكفار وقلة أهل الحق وكثرة أهل الباطل ومع هذا يبقى في هذه الأمة بقية صالحة إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى والطائفة في الأصل الجماعة والمراد هنا من كان على الحق ولو كان واحدا بدليل قوله تعالى إن نعفو عن طائفة منك وهو واحد على الحق ظاهرين. Donc on va expliquer ici, le cheikh dit par la suite, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé toutes ces choses effrayante au sujet de qu'est-ce qui va se produire dans la Ummah, il a terminé ça en disant que il y aura toujours un groupe de sa Ummah qui va être ferme sur la vérité, victorieux sur la vérité. Donc, après tout ce qu'il a informé, comme par exemple qu'il a dit qu'il y allait avoir des grandes épreuves et qu'il y allait avoir du shirk dans la Ummah et qu'il y allait avoir des groupes de la Ummah qui vont aller se rejoindre ou se joindre aux mouchriquin et vivre avec eux ou accepter leurs principes ou qu'il y allait avoir des koufars qui vont prendre le dessus ou le pouvoir sur les musulmans et qu'il y aurait peu de gens qui vont défendre la vérité et un grand nombre de personnes qui vont défendre le mensonge, il dit qu'il y aura quand même un groupe qui va rester correct, qui va rester sur le droit chemin jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même peu importe à quel point il y a de l'égarement et de l'éloignement dans la Ummah, il y aura toujours une portion des musulmans qui vont s'accrocher fermement à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui vont suivre l'islam jusqu'au jugement dernier, même si la grande majorité vont s'égarer. Et le cheikh dit الطائفة في الأصل الجماعة والمراد هنا من كان على الحق ولو كان واحدا بدليل قوله وإن عفو عن طائفة منك منكم إن عفو عن طائفة منك منك. Sinon le cheikh il a peut-être pas mentionné l'aïa au complet, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit وَهُوَ واحد. يعني ici le cheikh il explique un point important, c'est que comme on a expliqué ta'ifa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tazalu ta'ifatun min ummati, il y aura toujours un groupe de ma ummah qui va être victorieux sur la vérité. Et à la base quand on utilise le terme ta'ifa, ça veut dire un groupe de personnes, sauf que dans le contexte de ce hadith, ça ne veut pas dire nécessairement un groupe, ça peut même être une seule personne, ça peut même être une seule personne, d'accord. Donc ce n'est pas nécessaire que ce soit un groupe de personnes, ça peut même être une seule personne, et dans le cas où c'est une seule personne, c'est dans le sens qu'il y aura quand même toujours une seule personne qui va défendre le haq, même si la grande majorité sont contre lui, hein, sont contre ce qu'il dit. Tant que ce qu'il dit est en accord avec qui a été dit par Allah et son messager, et que c'est en accord avec la vérité, donc c'est lui qui est Al-Jama'a, et c'est lui qui est Al-Ta'ifa dans ce cas-là. Et la preuve de ça, c'est ce que le Cheikh il mentionne dans le verset 66 dans Surat At-Tawba, « Inna afu an ta'ifatin minkum ». C'est-à-dire, ta'ifa, dans ce verset-là, ça n'indique pas un groupe. Pourquoi? Parce que la personne qui a été pardonnée, on parle d'une seule personne ici. C'est le verset 66 dans Surat At-Tawbah. Donc, c'est la preuve qu'on peut appliquer le terme ta'ifa ou le mot ta'ifa pour une seule personne également, non seulement pour un groupe. Après, il dit عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ يَعْنِي غَالِبِينَ, c'est-à-dire que il y a toujours un groupe qui va être victorieux, qui va avoir le dessus et qui vont être sur la vérité. وَلَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ مَعَ هَذِهِ الشُّرُورِ كُلِّهَا وَهَذِهِ الْفِتَنْ كُلِّهَا هَذِهِ الطَّائِفَةِ لَا تَتَضَرَّرْ بَلْ تَبْقَى عَلَى الْحَقِّ الَّذِي بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُعِيِّنْ صلى الله عليه وسلم عددها ولم يعين مكانها لأن العدد قد يقل وقد يكثر وكذلك المكان قد تكون تارة في المشرق وتارة في المغرب وتارة في العرب وتارة في العجم المهم أنها تبقى هذه الطائفة من الأمة لتبقى حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce groupe, et il a dit que ceux qui se détournent, qui s'éloignent d'eux ou qui les délaissent, ils ne vont pas leur nuire. Ça veut dire que peu importe tout le mal qui va être présent et toutes les fétanes, le désordre et les épreuves et les difficultés qui vont être présentes, ce groupe-là va pas être, va pas être, on pourra pas leur nuire en rien, d'aucune façon. Parce qu'ils sont sur la vérité, et celui qui est sur la vérité, tu peux pas lui faire du mal en réalité. Même si la personne, c'est-à-dire elle subit des difficultés, mais c'est toujours en sa faveur quand même. Parce que soit qu'il est patient et que ça devient un bien pour lui, ou bien soit qu'il est, par exemple, tué ou qui se fait exterminer et inshallah il va au paradis, donc c'est un bien pour lui, ou bien de toutes les façons il est victorieux, hein, dans tous les sens, ou bien qu'il a la victoire dans la dunya et dans l'akhira, et donc dans ce cas-là c'est encore un bien aussi. Donc c'est pour ça que ce groupe-là il est toujours victorieux, peu importe la situation. Et donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y a un groupe qui va être sur la vérité sans désigner un nombre spécifique pour ces personnes-là, et sans désigner également l'endroit où ils seront en particulier, parce que le nombre peut être grand et peut être petit selon la période, et l'endroit, eh ben, ça peut être parfois à un endroit comme en Orient, et parfois ça peut être dans l'Est ou dans l'Ouest, ou bien ça peut être parmi les Arabes ou parmi les non-Arabes parfois, donc ça n'a pas rapport avec, disons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas désigné un groupe ou un endroit ou un nombre en particulier. Toutefois, l'important à comprendre, c'est que c'est un groupe qui fait partie de la Ummah et ce groupe-là va rester sur la vérité, et ça c'est pour que la preuve d'Allah reste toujours établie contre sa création. Hein. إن الشيخ ذو وقد قال أهل العلم كالإمام أحمد وغيره إن هذه الطائفة هم أهل الحديث أي الذي يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أو ما من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فهم أهل الحديث الذين يتمسكون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتمسكون بالآراء والأقوال وعلم الكلام والمنطق فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية وهم أهل الحديث وهم أهل السنة والجماعة لا كما يقول بعض المعاصرين إن الفرقة الناجية غير الطائفة المنصورة فهذا تفريق بغير علم. Le Cheikh il explique ici un point important, il dit que les ulama, comme l'imam Ahmad et d'autres, comme Abdullah ibn al-Mubarak et d'autres parmi les imams des salafs, lorsqu'ils ont mentionné ce hadith, on leur a demandé qui sont-ils au messager d'Allah, c'est-à-dire c'est qui ce groupe, et ils ont répondu, ils sont Ahlul Hadith, c'est-à-dire les ulama ou les gens qui suivent Al-Hadith. Donc en premier lieu, wa alaykum salam, ce sont les ulama de Ahlul Hadith, c'est-à-dire ceux qui suivent le Hadith et qui l'apprennent et qui le transmettent et qui connaissent le Sahih et le Zaif, et qui connaissent la compréhension et la signification de ce hadith, et qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en premier lieu, ce sont les ulama de hadith, et ceux qui les suivent dans leurs croyances, et dans leurs pratiques, et dans leurs manières. Donc ceux-là font eux aussi partie de Ahlul Hadith, même s'ils ne sont pas des ulama de hadith. D'accord? Ça c'est important à comprendre aussi. Ce sont ceux, comme le cheikh il explique, ce sont ceux qui s'accrochent à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé que la Umma allait se diviser en 73 sectes, et qu'elles seraient toutes en enfer excepté une, et ils ont dit, laquelle sera-t-elle au messager d'Allah, laquelle sera au paradis? Il a répondu, c'est celles qui vont être sur ce que je suis moi ainsi que mes compagnons. Ça c'est le groupe qui sera sauvé, c'est le groupe qui sera sauvé. Et ce sont Ahlul Hadith. D'accord? Donc, ce sont les gens du Hadith, ceux qui s'accrochent au Hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne s'accrochent pas aux opinions des personnes, ou à leur position, ou au ilm al-kalam, à la philosophie et à d'autres genres de choses de ce genre, il se ramène fondamentalement et principalement aux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre le Coran, et également bien entendu aux sahaba, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « wa ashabi ». Donc c'est pas suffisant juste de dire je vais juste prendre la sunna et le Coran. Si tu ne suis pas l'exemple des sahaba, tu vas pas comprendre le Coran et la sunna. Donc c'est très important de comprendre ça. Et le cheikh il dit, donc on les appelle où ils sont, le groupe sauvé, le groupe victorieux. At-ta'ifatul mansura, wa alaykum salam wa rahmatullah. Et ils sont al-firqa al-najiyah, le groupe sauvé. Et ils sont Ahlul Hadith, les savants, les gens de Hadith. Et ils sont Ahlul Sunnah wal Jama'ah, ce sont les gens de la Sunnah et du groupe, et ou bien de l'unité, Al-Jama'ah. Ceux qui sont réunis ensemble sur la Sunnah, wa alaykum salam. Contrairement à ce que certains parmi les contemporains, ont essayé de faire, de diviser Al-Ta'ifa Al-Mansura et Al-Firqa Al-Najia et de dire que ce sont deux groupes séparés. Non, le chef il dit ça, c'est pas basé sur aucune science. Celui qui fait la distinction entre ces deux groupes-là, il n'a aucune science. Parce que le groupe sauvé, c'est le groupe victorieux, et le groupe victorieux, c'est le groupe sauvé. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et il n'y a personne parmi les ulama des salafs et les imams de l'islam qui ont distingué entre ces deux groupes-là, excepté quelques personnes dans ce siècle. Maintenant, avant ça, il n'y a jamais aucun parmi les ulama qui ont jamais fait cette distinction-là. Et la raison pourquoi ils ont fait cette distinction-là, c'est pour essayer de justifier les partis et les groupes islamistes, et pour les défendre, et pour essayer de faire croire que chacun travaille dans son domaine. Et chaque parti et chaque groupe a sa spécialité, et qu'ils s'établissent un groupe avec un amir ou un imam, cet amir il a un manhaj et une aqida, l'autre il a un manhaj et une aqida, l'autre il a un manhaj et une aqida, l'autre il a un manhaj et une aqida, sont tous différents entre eux dans leur manhaj et dans leur aqida, et puis ils prétendent par la suite que ils sont al-firqa al-najiya ou al-ta'ifa al-mansura. Non. S'ils ont tous des manahij différents et des aqidas différentes, alors ils ne sont pas sur la voie d'Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Parce qu'Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, c'est un seul aqida et un seul manhaj. On ne peut pas diverger entre nous sur ces choses-là. Si on est tous des gens qui avons le même manhaj et la même aqida, c'est-à-dire l'aqida des salafs, alaykum salam, et le manhaj des salafs, dans ce cas-là c'est correct. Mais si on est tous dans un manhaj et une aqida différente, ça c'est une division dans la religion. Et ça en réalité, ça veut dire qu'on se divise en groupes et en sectes, de la même façon que se divisent les mushrikin, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ». Donc ça c'est la réalité des groupes aujourd'hui et des sectes et des jama'at, que ce soit Ikhwan Muslimin ou Tablir, Jama'at Tablir, ou Hizb al-Tahrir, ou Hamas, ou les autres jama'at qui existent actuellement. Mais comme le cheikh il mentionne pas la personne en question, mais parmi ceux qui ont divisé entre Al-Ta'ifatul Mansura ou Al-Firqa Al-Najia, il y a Salman Al-Awda dans son livre qu'il a écrit à ce sujet-là. Et bien entendu, il a été réfuté par plusieurs parmi les ulama, parce que tous les ulama ont fait des fatwas pour réfuter ça, et Cheikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, hafizahullah, il a même écrit un livre à ce sujet-là pour le réfuter sur ce point-là, et donc il a mentionné, il a montré les preuves que cette chose-là c'est faux. Et il a même d'autres petits livres aussi qui a écrit au sujet de Ahlul Hadith pour montrer qu'ils ne sont qu'un seul groupe et non pas plusieurs. Et ça c'est pour réfuter tous ceux qui défendent les partis islamiques. Et il y en a qui ont cette idée-là, j'ai entendu plusieurs qui défendent ça. Ils disent « Ah mon frère, si toi tu t'aimes le ilm, critique pas ceux qui font de la politique. Ou toi si tu fais de la politique, critique pas ceux qui, disons, font l'ibada, ou qui se concentrent dans l'ibada, ou ceux qui sont dans l'ibada, critique pas celui qui s'occupe, par exemple, de aqida, ou des choses comme ça. » Donc, ils essaient de dire, en voulant dire, disons, on se frotte tous le dos, et puis on est tous, en train de faire une partie de ce qui est obligatoire. Hein. Comme par exemple, ceux qui font le djihad, il ne faut pas les critiquer. Ceux qui font ci, il ne faut pas les critiquer. Ceux qui font ça, il ne faut pas les critiquer. Et en fait, c'est essayer de défendre et supporter Al-Hizbiyya, supporter les différents groupes et les différentes parties. Parce qu'en réalité, tous ces groupes et toutes ces différentes parties-là ne sont pas basées sur le manhaj et sur la aqida des salaf salih. Ils sont tous différents entre eux, puis ils ont tous des manhaj et des croyances différentes entre eux. Hein. Ils ont tous des bid'as parmi les différentes firaq de l'islam. Hein. Comme il y en a qui ont des tendances, ceux qui disent qu'ils font le jihad, tu les vois avec les tendances des khawarij. Ceux qui disent qu'ils font l'ibada, tu les vois avec des tendances des soufis. Ceux qui disent qu'ils vont dans la politique, ils ont des tendances des mu'tazila et des khawarij. Hein. Ceux qui sont dans, par exemple, ceux qui sont dans l'aqida, ça c'est les salafiyin. Hein, qui utilisent l'aqida et le manhaj, et eux, ils disent seulement, critiquent pas ceux qui font l'aqida ou qui parlent d'aqida, c'est uniquement pour essayer de dire, en voulant dire, bon, c'est donnant-donnant, on vous critique pas, mais critiquez-nous pas. Hein. Malgré qu'ils savent très bien qu'en réalité, les contradictions qu'ils ont, c'est juste avec le haine qu'on peut les réfuter. Hein. C'est juste avec le haine de l'islam qu'on peut les réfuter. Et donc, en voulant dire, si ils disent aux gens, vous avez le ilm, mais critiquez pas ceux qui font, qui travaillent, qui font des actions, c'est comme en voulant dire, nous on n'a pas de ilm, vous avez le ilm, mais critiquez-nous pas. Comment on va pas vous critiquer si vous n'avez pas de ilm et que vous faites des choses contraires à l'islam et aux principes de l'islam. Hein? Donc il faut qu'on vous critique et qu'on vous corrige pour votre bien. C'est pas parce qu'on est meilleur que, on veut dire qu'on est meilleur que vous, mais c'est pour montrer qu'on vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on veut le bien pour vous, pour pas que vous soyez dans l'erreur, pour pas que vous soyez déviés du droit chemin, pour que vous reveniez à la sunna et à la bonne compréhension de l'islam. Donc ça c'est très important de comprendre ce point-là. Donc, alhamdulillah. Le Cheikh dit « Wa qawluhu hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik, hatta ya'tiya amrullah al-muradu bi amrillah, ma yakunu fi akhir al-zaman » قبل أو من قبض الأرواح من قبض أرواح أهل الإيمان حيث يبعث الله ريحا طيبا طيبة في آخر الزمان قبل قيام الساعة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ويبقى شرارة الناس وحينئذ تقوم الساعة. Donc le cheikh il dit que l'ordre d'Allah, qu'est-ce que ça veut dire quand il va venir, ou quand il dit jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, ça veut dire à la fin des temps. À la fin des temps, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va venir prendre l'âme des gens de la foi, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune âme ou aucune âme de croyance. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer un bon vent à la fin des temps, juste avant le jugement dernier, puis ce vent-là va prendre les âmes de tous les croyants et les croyantes, et il ne va rester que les mauvais parmi les hommes, et c'est là que le jugement va être établi. Voilà, donc là on a terminé ce chapitre, maintenant le cheikh il fait juste mentionner les points bénéfiques qu'on a appris dans ces hadiths-là. Donc on va juste les lire, il a mentionné 8 points, donc on va relire ça puis on va s'arrêter par la suite. Le cheikh dit « Ma yustafadu min hadha al-hadith »« Hadha al-hadith yadullu ala masail azima »« Al-mas'alatu al-oula »« Fi hadha al-hadith dala'il min dala'il al-nubuwa »« Wa hiya awwalan qawluhu sallallahu alayhi wa sallam »« Inna allaha zawali al-ard »« Hatta ra'aytu masharikaha » ومغاربها أو نعم. فثانيا قوله صلى الله عليه وسلم سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وثالثا إخباره صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة إذا افترقت وتقاتلت يتسلط عليها العدو وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ورابعا إخباره صلى الله عليه وسلم عن وقوع الشرك في أمته وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم وخامسا إخباره بظهور المتنبئين الكذبة وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فلا يزال المتنبئين الكذبة يظهرون بين الحين والآخر ولكن منهم من له شوكة ومنهم من ليس له شوكة وسادسا إخباره صلى الله عليه وسلم ببقاء طائفة من منصورة أو بقاء الطائفة المنصورة على الحق ببقاء الطائفة المنصورة على الحق وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فلا تزال هذه الأمة ولله الحمد يبقى فيها من أهل الصلاح والإصلاح من يبقي بهم هذا الدين وتقوم به حجة الله على العالمين ومع اشتداد الغربة وعظم الكربة ولكنهم يصبرون ويثبتون على الحق نسأل الله الثبات. Le Cheikh il dit que le premier point c'est que dans ce hadith il y a plusieurs preuves qui montrent que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a réellement été envoyé avec une révélation et une prophétie, et que c'est un vrai prophète. Parmi les preuves de ça, il y a le fait que il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré toute la terre, hein, il lui a rapetissé ou lui a rassemblé la terre devant lui et il a vu l'Orient et l'Occident. Donc il a tout vu, qu'est-ce qu'il y avait sur terre. Deuxièmement, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et j'ai vu jusqu'où va atteindre le territoire de ma umma. Donc ça veut dire, ça c'est un autre signe de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu l'étendue de ce que sa umma va atteindre. Troisièmement, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que cette umma allait se diviser et qu'il y allait avoir des guerres et que les ennemis, qu'il y allait avoir des guerres entre les musulmans et que les ennemis allaient prendre le dessus sur la umma. Et ça s'est arrivé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Quatrièmement, il a annoncé qu'il y allait avoir du shirk dans sa umma et c'est arrivé comme il l'avait annoncé sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, il avait annoncé qu'il y allait avoir des faux prophètes et ça s'est arrivé également et on l'entend de temps à autre des gens qui arrivent et qui disent qu'ils sont prophètes. Certains d'entre eux ont un groupe qui les supporte et d'autres n'ont pas de groupe, hein, et ils n'ont personne qui les supporte. Donc ça dépend des époques et des endroits. Et sixièmement, il a annoncé également qu'il y allait avoir un groupe de sa umma qui allait être victorieux sur la vérité, et ça s'est arrivé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, parce qu'on voit qu'il y a toujours, alaykoum salam, il y a toujours un groupe de la umma, alhamdulillah, qui reste, hein, parmi les gens du bien et qui réforme la situation, et qui essaie de ramener la situation de la Umma à ce qu'elle était. Et il reste donc toujours des gens qui vont faire tenir cette religion et qui vont établir la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde, même s'ils seront peu nombreux et qu'ils seront comme des étrangers, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, il y aura, la religion va redevenir étrange comme elle a commencé. Alors, annoncer la bonne nouvelle aux étrangers. Et également qu'ils auront beaucoup de difficultés, d'épreuves, et toutefois ce groupe-là, ils vont être patients, endurants, et ils vont être fermes sur la vérité. المسألة الثانية في هذا الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته حيث دعا لهم بهذه الدعوات صلى الله عليه وسلم الدعوات المباركات العظيمة واستجاب الله له. Deuxième point, c'est que dans ce hadith, on voit toute l'attention du prophète sallallahu alayhi wa sallam et, disons, les sentiments d'affection que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pour sa umma, du fait qu'il fait pour eux toutes ces doigts bénis qui sont très importants et que Allah subhanahu wa ta'ala lui répond. Troisièmement, la troisième chose, al-mas'alatu al-thalitha, في هذا الحديث أن تفرق الأمة وأن تناحرها فيما بينها سبب لتسلط العدو عليهم أو عليها، وأن اجتماعها وتوحيدها وتوحدها وأن توحدها على الحق سبب لمنع الكفار من الاستيلاء على شيء من بلادهم. Le chef il explique comme troisième point que dans ce hadith là on voit que lorsque la Ummah se divise et elle se combat les uns contre les autres, ça c'est la cause qui fait que les ennemis des musulmans arrivent à prendre le dessus sur les musulmans. Toutefois, quand les musulmans sont réunis et qu'ils sont sur la vérité, réunis sur la vérité, eh bien ça c'est la cause, ou bien c'est une cause qui empêche les kuffars d'être capables de prendre le dessus sur les musulmans. Et si vous regardez dans les périodes où les kuffars ont réussi à prendre un pouvoir dans les pays musulmans, c'est toujours dans des moments où les musulmans étaient divisés. Quand les musulmans sont unis, ils ne sont pas capables de prendre le contrôle des musulmans. Et même actuellement, dans les pays musulmans, non seulement les pays musulmans sont divisés, l'un par rapport à l'autre, mais à l'intérieur des pays musulmans, de chacun de ces différents pays-là, on trouve des divisions entre eux. Soit dans les questions d'aqida, parce qu'il y a différents groupes qui ont différentes aqaïd, soit sur le plan du manhaj aussi, il y a plein de ahzab et des groupes différents qui appellent à différentes façons de suivre l'islam, et aussi sur le plan politique, il y a plein de groupes et de partis qui essaient de disputer le pouvoir à ceux qui sont au pouvoir, hein. Donc sur tous ces plans-là, il y a des divisions entre les populations dans les différents pays musulmans, et donc ça c'est contraire à l'unité, à la signification de l'unité dans l'islam. Parce que dans l'islam, quand on dit qu'on doit être unis, ça veut dire réellement unis, et non pas unis dans le sens qu'on est physiquement ensemble, mais qu'on est tous divisés entre nous, parce que chacun a sa petite idée, ou sa petite compréhension, ou sa petite opinion, et il ne veut pas, laisser tomber rien de ce qu'il pense, et suivre autre que la vérité. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc ça c'est les idées actuellement qui sont répandues dans les pays musulmans, soi-disant la liberté individuelle, la liberté d'opinion, la liberté de penser. Ça veut dire la liberté de penser qui est contraire à la vérité. La liberté d'opinion, d'avoir une opinion contraire à la vérité. Et de dire que même si ta pensée ou ton opinion ou ton idée est contraire à la vérité, c'est pas grave, t'as le droit de la suivre quand même, ou d'appeler les gens à la suivre. Et ça c'est l'absurdité, c'est inconcevable pour un musulman de penser de cette façon. Donc ça montre que les musulmans sont divisés, et c'est ce qui fait que les kuffars ont encore aujourd'hui, malgré que soi-disant il y a eu une indépendance des musulmans, dans le pays musulman, malgré qu'il y a cette soi-disant indépendance, mais les kuffars ont encore de l'autorité et du pouvoir sur qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans à cause de la division. Et le fait que les musulmans se divisent entre eux dans les pays musulmans, mais ça fait juste aider ou renforcer l'autorité ou la pression et l'influence des kuffars sur les musulmans. Donc ça c'est un point très important. Et nous, on appelle les gens à s'unir sur le tawhid, sur la aqidah, sur la sunna. Et eux, ils prétendent que c'est nous qu'on est la cause de la division entre les musulmans. Parce qu'on dénonce les bid'ahs et on dénonce le shirk. Hein? Donc c'est comme si pour dire que celui qui appelle à la division, c'est lui qui veut unir, puis celui qui appelle à l'unité et à unir les gens sur la base, lui, il fait la division. Donc c'est les choses qui sont renversées à l'envers aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit ensuite le chef comme point? Quatrième point. المسألة الرابعة في الحديث دليل على خطر الأئمة المضلين أي القيادات الفاسدة من الأمراء والعلماء والعباد والدعاة الفاسدين، أما الأئمة المصلحون فهؤلاء خير على الأمة وصلاح لها. الشيخ ذكر كم quatrième point il y a dans ce hadith la preuve du danger des imams égareurs. Et quand il parle des imams égareurs, il dit que ce soit peu importe qui ils sont, parmi les gens qui sont à la tête et qui sont corrompus. Que ce soit des gens qui sont des dirigeants politiques, ou des savants, ou des adorateurs, ou des gens qui font une da'wah qui est contraire à la vérité, qui est corrompue. Donc tout cela rentre dans ce qu'on appelle al-a'imma al-mudillun. Toutefois, les imams qui sont réformateurs, et qui appellent au bien, et qui appellent au Coran et à la Sunna, et à la voix des salafs, ceux-là sont un bien pour la Ummah, et quelque chose de bon pour la Ummah. Cinquièmement, al-mas'alatu al-khamisa fil hadith, دليل على أنه إذا وقع في هذه الأمة قتال فيما بينهم أنه سيستمر إلى أن تقوم الساعة ولا يرفع ولكن يكثر ويقل أحيانا. الشيخ ذكر comme cinquième point dans le hadith, il y a la preuve que lorsqu'il y a des combats ou des guerres entre les musulmans dans la Ummah, s'il y a, le prophète صلى الله عليه وسلم, s'il y allait avoir une guerre ou des combats entre les musulmans dans la Ummah, et bien ça n'allait jamais cesser jusqu'au jugement dernier. Donc ça continue et ça va continuer. Toutefois, ça va être plus, ça va être en plus grand, il y en a plus, parfois ça va être plus, parfois ça va être moins. C'est ça ce que le chef explique. Ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits et ça dépend des moments. المسألة السادسة في الحديث دليل فيما ترجم له ترجم له المصنف يعني le fait qu'il y a cette suite de guerre entre les musulmans à cause du moment que les musulmans ont commencé à se combattre entre eux, que ça continue, c'est parce que bien entendu yani c'est un cercle vicieux. Souvent quand quelqu'un prend l'épée contre un dirigeant et qu'il essaie de l'enlever et de prendre sa place, eh ben la personne qui a pris sa place par la suite, il y a quelqu'un d'autre qui se dit ben si lui il peut le faire, moi aussi je suis capable. Ou bien si lui fait, il voit que son dirigeant fait une erreur, alors il s'imagine que lui aussi il peut le faire. Hein. Et donc ça devient une chaîne et ça tourne en rond par la suite. Et ça c'est très mauvais, hein, et très négatif. Et c'est ça ce qui fait qu'en fait ça continue. Donc depuis qu'il y a eu les gens qui ont sorti contre Othman ibn Affan, radiallahu anhu, et qui l'ont tué, on voit que dans la Ummah il y a toujours eu des problèmes comme ça jusqu'à aujourd'hui. Même au XXe siècle, on en a vu plein de choses comme ça. يعني شيء كويس. donc ça c'est un exemple. السادس المسألة السادسة في الحديث دليل فيما ترجم له المصنف رحمه الله من وقوع الشرك والردة في بعض هذه الأمة وهذا شاهد لقول المصنف باب فيما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. dans le hadith il y a la preuve comme l'auteur l'a mentionné qu'il y aura du shirk et de l'apostasie dans cette Ummah, et ça c'est qu'est-ce qu'on peut mentionner dans le point où il a dit dans le chapitre, enfin la preuve dans ce chapitre, que certains dans la Ummah vont adorer les idoles. المسألة السابعة في الحديث دليل على ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم وأن من ادعى النبوة بعده فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم بالدين بالضرورة. Septièmement, il y a la preuve que le dernier des messagers, le dernier des prophètes, c'est Mohammed صلى الله عليه وسلم, et que quiconque prétend être prophète après lui est un kafir, parce qu'il a démenti Allah et son messager et le consensus des musulmans et ce qui est connu de la religion par nécessité. Hein, et tous ceux qui croient en lui, en cette personne-là, il est lui aussi kafir. Donc il y a ça. Ensuite, le dernier point, المسألة الثامنة في الحديث دليل على بقاء الفرقة الناجية مع كثرة الفتن والمحن والشرور فإن الله سبحانه لا يخلي الأرض من الدعاة إلى الحق القائمين عليه من الأئمة المسلمين. Le Cheikh dit comme huitième point, il y a une preuve dans ce hadith qu'il y aura toujours un groupe sauvé, victorieux. Peu importe le fait qu'il y aura beaucoup de fitan, de malheur, de danger, de mauvaises choses, eh bien il y aura toujours sur la terre des gens qui vont appeler à la vérité, qui vont être fermes sur la vérité. نعم إلى الحق القائمين عليه parmi les imams de la réforme et qui appellent au Coran et la Sunna, il y en aura tout le temps jusqu'au jugement dernier. Donc ça y est pour le chapitre. Donc demain inchallah on continue et demain on va commencer le chapitre 24 inchallah, et le sujet c'est as-sihr, ma ja'a fi as-sihr. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.